Chapitre deuxième. Je ne sais vraiment pas, continua le bonhomme dans le coin, en ajoutant du soda à son habituel verre de lait. Pourquoi cette affaire m'attira dès le début? Elle n'offrait rien d'extrêmement mystérieux, un simple cas de vol. Mais j'en espérais, j'y sentais, quelque chose de plus subtil, si bien que je pris le train pour Brighton. La police déclarait tenir une piste. Elle savait à qui la chambre meublée avait été louée. En réservant la chambre une quinzaine de jours auparavant, le locataire s'était inscrit sous le nom d'Edward Skinner. 24 heures après mon arrivée, on apprenait que cet Edward Skinner venait d'être arrêté à Londres sous l'inculpation d'avoir séquestré M. Francis Morton et de lui avoir volé 10 000 livres. Mais ce qui ajouta soudain un intérêt sensationnel à l'affaire fut ceci. Contrairement aux prévisions les plus élémentaires, M. Morton refusait de poursuivre. Naturellement, le ministère public, comme on dit en France, poursuivit, lui, et cita M. Morton comme témoin. Ce gentleman ne gagna donc rien à refuser, mais vous comprenez comme la curiosité du public s'excita. On se demandait pourquoi M. Morton voulait faire le silence sur toute cette affaire. Était-ce parce que le nom de sa femme avait été prononcé, ou bien se trouvait-il, comme certains l'affirmaient, accablé de terribles menaces? Je vous avoue que j'étais assez intrigué quand, le jour de l'audience, je pénétrai dans la salle. L'accusé était d'un aspect banal. Blond, rougeau, le nez camu, légèrement chauve, il avait, comme M. Morton, l'air d'un brave homme d'affaires de la cité. Près du coroner, M. Reginald Pepys, on se montrait une femme très belle et de haute élégance qui était Mme Morton. La partie féminine du public jasait tout bas sur sa beauté, son grand chapeau et la magnificence de ses bagues. La police raconta comment on avait découvert M. Morton dans la chambre de Russell's House et arrêté M. Skinner à l'hôtel Langham, à Londres. L'accusé s'était laissé emmener très tranquillement, mais en protestant de son innocence et en déclarant que malgré ses quelques relations d'affaires avec M. Francis Morton, il ne connaissait rien de sa vie privée. L'accusé, déclara l'inspecteur Buckle, prétendit ne pas même savoir que M. Francis Morton vécut à Brighton. Mais je peux prouver qu'il fut vu en compagnie de M. Morton à 9h30, le matin de la séquestration. Contre-interrogé par M. Matthew Keeler, avocat de M. Skinner, l'inspecteur finit par admettre que l'accusé avait seulement dit ignorer que M. Morton fût un résident de Brighton, mais qu'il n'avait jamais nié l'y avoir rencontré. Les témoins auxquels l'inspecteur faisait allusion étaient deux commerçants de Brighton qui connaissaient M. Morton de vue et l'avaient aperçu le vendredi 17 au matin se promenant avec l'accusé. M. Quiller ne posa aucune question aux témoins. On comprit que le prisonnier ne contredisait pas du tout leur affirmation. L'inspecteur Hacktick raconta comment on avait retrouvé enfin l'infortuné M. Morton après 6 jours de recherche. Sur certains renseignements donnés par Mme Chapman, la propriétaire de Russell's House, le directeur de la sûreté de Brighton envoya Hacktick et quelques hommes à la maison meublée. La porte de la chambre habitée précédemment par M. Skinner étant fermée, ils l'enfoncèrent. M. Morton s'y trouvait presque sans connaissance dans un fauteuil, ligoté avec plusieurs mètres de corde. Un châle de laine épais entourait sa tête de manière à étouffer tous les cris du pauvre gentleman. Mais l'inspecteur déclara qu'à son avis, M. Morton avait dû d'abord absorber quelques stupéfiants et qu'ensuite, s'éveillant faible et malade dans ses liens, bâillonné, il n'avait pu se faire entendre ni se délier, quoique les cordes eussent été ajustées hâtivement. Le médecin légiste et le docteur Mellish dirent qu'ils avaient trouvé M. Morton sous l'influence certaine d'un anesthésique et aussi terriblement épuisé par le manque de nourriture. Le premier témoin important fut Mme Chapman, la propriétaire de Russell's House, au renseignement de laquelle la police devait la découverte de M. Morton. L'accusé se présenta chez moi le 1er mars. Il voulait une chambre meublée peu coûteuse. Il la loua à la quinzaine et me prévint qu'il aurait souvent des absences de 2 ou 3 jours. Il me dit voyager pour une maison de thé. Je lui montrai une chambre au 3e étage, car il ne voulait pas payer plus de 12 shillings par semaine. Comme je lui demandais des références, il me glissa 3 pièces d'or dans la main et me dit en riant que le paiement d'un mois d'avance suffisait à cet égard. Il ajouta que s'il ne me plaisait pas, après ce laps de temps, j'en serai quitte pour lui donner ces 8 jours. Vous n'avez pas songé à lui demander le nom de la maison pour laquelle il voyageait? Mon Dieu, non! Il ne présentait pas mal et il m'avait payé 1 mois d'avance. Le jour suivant, il apporta ses bagages et prit possession de la chambre. Il me parut travailler beaucoup. Il restait toujours à Brighton le samedi et le dimanche. Le 16, il m'apprit qu'il allait partir à Liverpool pour plusieurs jours. Il dormit à la maison cette nuit-là et s'en alla de bonne heure le 17 en portant sa valise avec lui. À quelle heure partit-il? Je ne peux pas le dire exactement, répondit Madame Chapman avec hésitation. Nous ne sommes pas en saison et la chambre de M. Skinner était la seule louée chez moi. L'été et l'automne, j'ai 4 domestiques, mais en ce moment je n'en ai qu'une. Il me sembla entendre M. Skinner s'en aller vers 9 heures. Mais environ 1 heure plus tard, la bonne et moi, nous nous trouvions au rez-de-chaussée quand nous entendîmes la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer assez violemment, puis un pas dans le hall. « C'est M. Skinner, » me dit Marie. « Oui, c'est lui. Je le croyais parti depuis 1 heure, » répliquai-je. « Il est sorti à ce moment-là, en effet, » dit Marie. « Il a même laissé sa chambre à coucher ouverte, si bien que j'ai pu la faire. » « Allez voir si c'est lui, Marie. » Elle traversa le hall. Mon appartement se trouve au-delà du hall. Monta l'escalier et revint me dire qu'en effet, c'était bien M. Skinner. Il était allé droit à sa chambre, sans d'ailleurs que Marie le vît, mais un autre gentleman se trouvait avec lui et on les entendait converser dans la chambre. « Enfin, vous ne pouvez dire à quelle heure l'accusé quitta définitivement la maison ?»« Hélas non, car après cela, je sortis et ne revins qu'à midi. » Je montai alors au 3e étage et constatai que M. Skinner avait fermé sa porte et emporté la clé, mais comme Marie avait fait la chambre, je ne m'occupais plus de cela. Et naturellement, vous n'entendîtes aucun bruit dans la chambre. Aucun, ni ce jour ni les suivants. Mais le jeudi matin, il nous sembla, à Marie et à moi, entendre dans la chambre de singuliers sons. Je pensais d'abord que c'était le volet qui grinçait contre la vitre. Mais en écoutant mieux, nous entendîmes le bruit en question se renouveler. C'était certainement des gémissements. Terrifié, j'envoyai Marie chercher la police. Marie, la servante, confirma la déposition de sa maîtresse. « Dame, je crus bien que c'était lui. Je l'ont pas vu, mais j'en montai à son étage et restai un moment derrière la porte. On entendait de grosses voix dans la chambre, des voix de messieurs. « Je suppose que vous n'avez pas osé écouter, Marie. » demanda M. Pepys en souriant. « Aussi, monsieur, » répondit Marie innocemment, « mais je n'ai pas saisi ce que les gentlemen ils disaient. L'un d'eux parlait fort et semblait bien se disputer. » M. Skinner était seul à posséder et la clé de sa chambre et la clé de la porte d'entrée, donc personne n'aurait pu pénétrer dans la maison sans sonner. « Oh non, monsieur !» L'affaire s'annonçait mal pour l'accusé. L'accusation, naturellement, était celle-ci. M. Skinner rencontre M. Morton, l'emmène chez lui, l'assaille, le met dans l'impossibilité de se défendre, le drogue, le lit et le bâillonne, et finalement le vol de tout l'argent qu'il possédait, c'est-à-dire, d'après certains documents que les magistrats verraient bientôt, de 10 000 livres en billets de banque. Mais le point très mystérieux de l'affaire et que le magistrat cherchait à éclaircir discrètement était celui-ci. Pourquoi donc M. Morton ne poursuivait-il pas cet individu qui, non seulement, l'avait volé, mais avait presque réussi à lui faire endurer une terrible mort? M. Morton était trop malade pour déposer personnellement, et le docteur Mellish lui avait absolument interdit la fatigue et l'émotion de comparaître en personne devant le tribunal. Mais sa déposition avait été prise légalement à son chevet, et elle se trouvait entre les mains du magistrat. Les faits qu'elle révélait étaient remarquables et énigmatiques. M. Pepys commença à lire la déclaration faite sous serment par M. Francis Morton. Je me trouvais contraint de payer une grosse somme d'argent à un homme que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vu. Cette affaire concernait ma femme uniquement. Je n'étais qu'un simple intermédiaire, mais il nous sembla qu'il valait mieux en effet que ce fût moi qui accomplisse les démarches nécessaires. Elle me laissa ignorer les demandes de l'individu en question aussi longtemps que cela fut possible. Quand elle se décida enfin à me les apprendre, nous pensâmes qu'il valait mieux payer. J'écrivis donc, sous la dictée de ma femme, à cet individu que j'étais prêt à lui remettre 10 000 livres au lieu et à la date qu'il désignerait. Je reçus une réponse, portant le timbre de Brighton, qui m'avertissait qu'on m'attendait devant le magasin de draps Furnival dans la rue de l'Ouest à 9h30 du matin le 17 mars. On me prie aussi d'apporter les 10 000 livres en billets de banque. Le 16, ma femme me remit un chèque de 10 000 livres que j'allais encaisser à Londres, à la banque Bertson, dans le Strand. À 9h30, le lendemain matin, je me trouvais à l'endroit désigné. Un individu portant un pardessus gris, un chapeau melon et une cravate rouge m'aborda en disant mon nom et me demanda de venir jusque chez lui dans l'avenue du Roi. Je le suivis. Nous n'échangeâmes pas un mot. Il s'arrêta devant une maison qui portait le nom de Russell's House, ouvrit la porte avec une clé qu'il sortit de sa poche et me pria de le suivre dans sa chambre au troisième étage. Je remarquai qu'aussitôt que nous fûmes dans cette chambre, il en verrouilla la porte. Cela ne pouvait m'inquiéter, puisque je n'avais rien de précieux sur moi, sauf les 10 000 livres que j'étais prêt à lui remettre. Aucun de nous deux ne parla. Je lui donnai les billets, il les plia et sans un mot les mit dans son portefeuille. Je me dirigeai ensuite vers la porte. Je posai la main sur le bouton quand je me sentis saisi à la gorge par derrière et en même temps un mouchoir saturé de chloroforme était appliqué sur mon nez et ma bouche. Je me défendis de mon mieux, mais malgré moi je respirais l'anesthésique et bientôt je perdis conscience. Il me semble toutefois me rappeler que l'homme me dit, tandis que je me défendais encore faiblement, « Quel idiot il faut que vous soyez, mon cher monsieur. Croyez-vous vraiment que j'allais vous laisser tranquillement vous rendre au bureau de police ? Je connais les trucs qu'on emploie vis-à-vis d'un homme qui vend son silence. On lui remet l'argent et ensuite on le fait arrêter pour chantage. Peut-être bien que c'est la police elle-même qui vous a conseillé de me remettre cette petite somme. Mais cette fois, le truc est raté. Je peux être à New Haven à temps pour le bateau de midi. Vous aurez à vous tenir tranquille jusqu'à ce que je sois de l'autre côté du continent, mon ami. D'ailleurs, vous ne souffrirez pas longtemps. À un moment donné, ma propriétaire vous entendra geindre, vous délivrera et tout sera pour le mieux. Là, maintenant, buvez. Très bien. » Il montra de force quelque chose d'amer dans la gorge et bientôt je perdis complètement conscience. Quand je revins à moi, j'étais assis dans un fauteuil, ligoté et bâillonné. Je n'avais même pas la force de crier. Je me sentais affreusement malade et faible. M. Reginald Pepys avait achevé de lire et personne dans la grande salle comble et silencieuse ne dit un mot, même tout bas. Tous les yeux étaient fixés sur la belle dame en robe admirable qui s'épongeait les yeux avec un mouchoir de dentelle. L'extraordinaire récit fait par la victime même avait porté presque à son comble l'intérêt de l'affaire. Seule la déposition de Mme Morton pouvait encore y ajouter. Appelée à la barre, elle s'y rendit lentement et gracieusement, mais son visage tourmenté indiquait combien elle avait ressenti les tortures endurées par son mari et aussi l'humiliation de voir leur nom sali par le scandale. Adroitement questionnée par M. Reginald Pepys, elle dut reconnaître que l'homme en question avait été jadis mêlé à sa vie d'une façon susceptible de jeter le discrédit sur elle et sur ses enfants. Le récit qu'elle fit en sanglotant dans son beau mouchoir de dentelle fut extrêmement pathétique. À 17 ans, elle avait épousé secrètement un aventurier qui disait s'appeler le comte Armand de la Trémouille, une canaille de bas étage d'ailleurs, car après lui avoir extorqué 200 livres de son argent de poche et un certain nombre de bijoux, il l'avait quitté un beau jour en l'avertissant par une lettre qu'il partait en Europe sur le paquebot Argentina et qu'il ne reviendrait pas de quelque temps. La pauvre petite aimait cette brute, puisque la semaine suivante, quand elle apprit que l'Argentina avait fait naufrage et que probablement tous les passagers avaient péri, son chagrin fut vif. Heureusement, son père, un opulent usinier de Chicago, ignorait tout de sa coupable histoire. 4 ans plus tard, elle le suivait à Londres, il y épousait M. Francis Morton. Elle menait depuis 6 ou 7 ans une vie complètement heureuse, quand un jour, elle reçut une lettre rédigée à la machine à écrire et signée Armand de la Trémouille, lettre qui, après des protestations d'amour sans fin, racontait une émouvante histoire. Le comte avait souffert des années sur une terre presque déserte où il avait pu aborder lors du naufrage de l'Argentina. Parvenu, après de longues privations, à atteindre des rivages plus hospitaliers, il avait fallu travailler longtemps pour gagner son passage. Enfin, parvenu en Amérique, il avait pu retrouver trace de sa chère femme, il se disait prêt maintenant à lui faire oublier tout le passé et à la serrer dans ses bras. Ce qui suivit fut conforme à ce que l'on pouvait attendre. D'une part, une femme assez sotte et de l'autre un froid coquin. Les résultats ne pouvaient qu'être tout à l'avantage de celui-ci. Pendant quelque temps, son mari ignora tout. Elle correspondit avec le comte de la Trémouille. Elle le suppliait, en souvenir du passé, de ne pas essayer de la revoir. Il se laissa d'ailleurs aisément mettre à la raison, grâce à plusieurs gros envois d'argent qu'il reçut par l'intermédiaire de la poste de Brighton. Enfin, un jour, par hasard, M. Morton trouva une des anciennes lettres du comte de la Trémouille. Madame Morton se jeta aux pieds de son mari et lui avoua tout. M. Francis Morton envisagea l'affaire en businessman, froidement, pratiquement. Il aimait beaucoup sa belle et riche femme. Il tenait à la garder, et le comte de la Trémouille semblait disposé à la laisser tranquille, moyennant un dédommagement. Madame Morton, d'autre part, qui avait l'absolue direction de sa fortune, était prête à payer ce qu'il faudrait pour arrêter le scandale. Elle s'imaginait qu'on pouvait la mettre en prison pour bigamie. M. Francis Morton écrivit donc au comte de la Trémouille que sa femme consentait à lui payer la somme de 10 000 livres à condition qu'il disparût pour toujours. Toute nouvelle demande de sa part, on l'en prévenait, le mènerait devant les tribunaux, quelles que fussent les conséquences. M. Morton ajoutait même que l'affaire se dénouerait sans doute plus mal encore pour le maître chanteur et qu'il n'hésiterait pas, lui, le mari, à défendre à coup de revolver la tranquillité de son foyer, sûr qu'il était d'obtenir, après une exécution de ce genre, la complète indulgence du jury. Le rendez-vous fut pris et M. Morton quitta sa demeure à 9 h du matin, le 17 mars, avec 10 000 livres en poche. Le magistrat et le public avaient suivi anxieusement ses paroles. La sympathie était unanime pour cette belle personne qui avait si courageusement recommencé sa vie après une faute de jeunesse et qui donnait à Brighton l'exemple de toutes les vertus conjugales. Mais je ne me souviens pas d'avoir vu dans aucune affaire éclater une surprise pareille à celle que provoqua soudain une réponse de Madame Morton. Le président, après avoir écouté son récit, lui demanda « Madame, voulez-vous maintenant regarder l'accusé et me dire si vous reconnaissez votre premier mari ?» Elle répondit tranquillement « Oh non, en aucune façon, cet homme n'est pas le comte de la Trémouille. »